Salut les mecs! En guitare sans bien désaccordé! Aujourd'hui on va faire du funk! Y'a des bons les machines infernales! Hans Weidreich 4 ans! J'ai tout essayé dans le show business pour vendre du disque! J'ai chanté Namur, j'ai chanté le blues pour gagner du blues! Ça n'a jamais marché! Et maintenant je suis funk, tout va planer! Ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. J'ai des pécans, bébé. Je fume du laurier. Je mets du campouille. Je me bords les oreilles. Je me pique au fosse carreau. Je suis mazo. Y'a des pingues. Mardi, on veut dose. Y'a des pingues. Mardi, on veut dose. Y'a des pingues. Mardi, on veut dose. Y'a des pingues. Mardi, on veut dose. Y'a des pingues. Mardi, on veut dose. Y'a des pingues. Maintenant dans mes chansons, je n'ai rien à dire, mais je ne dis rien. Tu pédales moins vite, et moi tu pédales plus vite, c'est ma logique. Y'a des pingues, ma vie overdose. Y'a des pingues, y'a des pingues, ma vie en rose. Y'a des pingues, y'a des pingues, y'a des pingues, y'a des pingues, ma vie overdose. Y'a des pingues, y'a des pingues, ma vie en rose. Je suis quand même pas punk à ce point.